Comme la famille, investis sur le microphone pour finir millionnaire ou bien milliardaire. Busta rap fait l'air, gravé sur mes que dis. Ce que je dis vaut que je dis aujourd'hui, mais des rebats. 1, 2, 3, voilà le style du 9-3. Trop étroit pour les MC qui se croient à Détroit. Quoi j'ose, comme le magicien, je dose. Arrose, compose, expose, cause mal comme Danny. J'ai la Salmani, la face Ali. Talisman du hip-hop, rasta comme Kali. Mikaï Rami, boy, be riche comme Ewing Bobby. Brille tel un rubis, coupe comme une série Toby, pour laisser franc, bruyant comme un Kobe. Obligé d'infliger ma rage à 20 piges. Si j'étonne The Fab, appelle-moi DJ. Je rappe avec les mains, je pense que t'as pigé. Rappeur solo, notorious comme BG. 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la casse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Yo, de Boulogne-Pont à Or, je forge mon fila. Comme un forgeron, reste fort même si les corons, je m'effile. Car je fais du chemin en villa. Encore si j'avais la villa en Corse. Pour moi, la vie serait plus facile là, et moins genre une entorse. Peut-être que je roulerais en Porsche avec mon brossier à l'arrière, comme ça en soirée, on arriverait en force. Le larfeuille, celui que toutes les stars veulent pour l'avoir des noires gueules. Tandis que certaines sales gueules, le cul se torche à l'œil. J'ai pas encore signé, j'espère qu'on me fera pas de l'œil. Sinon, la famille du fautif n'évitera pas le deuil. Après, faudra pas détonner si le chef zèvre. Car faut pas gâcher le taf que fait le staff. Giorgio merchandising, Paxson au mixing, Tachi à l'advertising. Zing zag, mais reste aux aguets. Une go dans la vague au dingue. Mais qu'à Boulogne, contrôle comme bague. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la casse, puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse, puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Hey yo Joe, joue pas le show quand le Zozo fait le show. Fous pas le Delbo dans la solo. Beat de boule te met au show. Chômage. Dommage de recevoir des fleurs. Quand guise dommage en fromage, car pour toi personne pleure. L'heure du rap pur a sonné. Frère, réveillez-vous, n'entendez-vous pas les murs résonner dans l'air depuis les tours de fer couverts. Minuit à l'aune, bon, on se transforme en loup-garap. Lâche-nous la grappe, quand pour nos doudous, non, nous de rap. Musica, push tes socks au max, ça se fait comme Suzika. Unique comme Monique maintenant, trou du cas, plus quoi. Rien de neuf, plein de bluff, moins de seuf, couille comme un keuf. Tu mourras rien quand on fouille, vieille grenouille, t'es pas rough. Ouh, ça fait mal quand on pénètre les salles ou les studs. L'ennemi crie, aïe, arrêtez d'envoyer les scuds. Verbo, j'rappe pas l'air bon, mec, j'ai pas l'air beau, mec. Mais quand je reviens, c'est toujours Big New comme Boniek. Tout le monde les mains en l'air ce soir. C'est le retour de la tête, mais vos gros chefs noirs. Mec, ton, fais pas la boule, on sait ton. Secteur kiffe notre section. A vue d'un sans inspection, nous le détectons. Directon, fais ce qu'on a à faire. Comme avec les 16 qu'on baisse con. Car on sait à qui on a affaire, qu'on laisse on des lacs pour lancer des messages. Est-ce qu'on se rabaisse lorsqu'on fait partie des sages? Nous fais ce qu'on a la fierté qui nous ronge. La rage rendant les yeux rouges. Non, c'est pas un son, sur nos sons, même le vieux bourgeois. Il bougea, quand maintenant faut que je bougea. Cette ou ce soir, tu sais, viens tout jard. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse, puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse, puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Ayant la vie est comme une danse, danse aux cadences. Bouge, réagis à chaque battement. Reste pas debout bêtement. Quand le puis claque la fou naka, bouge ou naka. Tout n'est qu'un monte à fait comme un sapin. Quand le mic est dans ma main ou bien de celle de Soxy, les woofers craquent, attaquent au cœur du tas fixé. MC, Maxi, héros de la galaxie. Le taxi trace tout droit sans faire de Axi. Accès sur un flow qui tourne comme un hélico. Flex back picote que le rhum à Porto Rico. J'fais des ricos, Sox bouge ton hochet. C'est moche, coche les moches, uppercut, crochet. Yo, ma spécialité à moi, tu vois, c'est Lego. Et Lego kiffe quand j'parle elles rougissent comme des Lego. À base de high kick, coup de Nike et good Nike. Cours vite, on épile la face des MC comme du daily. Vite, nos oxy et flex sont à la charge. On nous prend pour des vaches car on écrit avant la marge. On est des patrons, on on ne sait pas tromper. Avant d'écrire le texte, y'a pas eu de patron pour qu'on ne puisse pas nous pomper. Je bondis, rebondis comme un ballon jusqu'à Bondy. Funk, bust ta flex, déchire en freestyle. C'est ce qu'on dit. On dit aussi des choses moins bien, mais ça c'est pas grave. Mon scud est dans les bacs, le leur reste et le mien smashable. Scarla, je viens du 9-3-8-0. Nique un coup d'éclair dans ta face comme Sub-Zero. Copate comme Soxy, Brown comme Foxy. Accro du micro comme Noxus, gars, je suis toxy. Co-star comme Edjo, cool comme Shen. Si tu mets la 6 et tu me vois, ne change pas de chaîne. Et comme afro, j'envoie la tchat au kilo. Pisse au flex, squat B de BML au philo. Et mettre nos philo aussi vite que tu peux, car on croque les oreilles façon Tyson, même si t'es type. La technique tonique comme ta mère. Et amère, et le goût de la défaite salé comme la mer. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3-3 pour la casse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3-3 pour la casse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Squat et des heures, yo. 8 de poulet dans la sono avec le flex squad. Dazalizi, Mezelozo, Lozo, Jizi Lozo, toi-même tu sais, Omizi Grozo. Aïe, ah, puis les Boulogne-Billancourt dans la place, yo, pour un 9-9-8.